l'océan Atlantique à la mer Rouge, sur une longueur de plus de 5000 km et une surface de près de 9 millions de kilomètres carrés, soit approximativement la surface des États-Unis, le Sahara et le désert de tous les extrêmes, le plus grand bien sûr, mais aussi le plus sec, le plus ensoleillé, le plus aride, le plus chaud, bref, le désert le plus absolu. Mais sur une telle surface, le Sahara n'est évidemment pas d'un seul tenant, il est une multitude de paysages, de climats, de zones montagneuses et de zones ensablées, de plaines de cailloux et de plateaux rocheux, et surtout le Sahara n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il a été depuis sa formation tour à tour sec et humide, jaune et vert. Quel fut son passé, quel est son présent et quel sera donc son avenir ? Sahara, une histoire d'eau, c'est le problème dont nous allons nous saisir lentement dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans cette traversée du désert géographique, géologique, climatologique et historique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Contou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse contractuelle au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bonjour Anne-Marie Lézine. Bonjour. Vous êtes palynologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie du climat, expérimentation et approche numérique à Sorbonne Université. Vous pouvez suivre cette émission, bien comme chaque jour, sur les ondes de France Culture et en complément en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors bien pour commencer, je le disais à l'instant dans l'introduction, qu'est-ce que c'est que le Sahara ? Comment est-ce qu'on peut donner un nom unique à une étendue géographique aussi vaste qui comporte eh bien nécessairement un nombre immense de variants et autant d'écosystèmes distants? Qu'est-ce qui unifie toute cette zone, Anne-Marie Lézine, pour commencer, qu'on appelle Sahara? Eh bien, c'est l'isoïète 100 mm en fait, c'est-à-dire là où il pleut moins de 100 mm de pluie par an, eh bien, on définit ça comme l'espace désertique du Sahara. Et en fait, 100 mm, c'est un petit peu... c'est pas très clair parce que en fait l'évaporation est un ordre de grandeur supérieur, mais je veux dire lorsqu'il pleut, on a des plantes qui ont cette limite écologique, c'est-à-dire que réellement on peut définir le Sahara par la limite écologique de certaines plantes. Ça c'est une des définitions ou un des points communs. Quels seraient les autres points communs à cette vaste étendue, Camille Contou? D'un point de vue climatique, comme vous l'avez rappelé, ça reste un endroit qui est très sec. Donc cette définition d'Anne-Marie me va plutôt bien. Mais en fait, c'est loin, comme vous le disiez, c'est loin d'être homogène. Je veux dire, vous avez des secteurs les plus secs et les plus arides qui sont au Sahara oriental, par exemple. Mmh. Des grands massifs sahariens qui culminent à plus de 3000 mètres. Donc vous avez véritablement des systèmes qui sont extrêmement complexes. Ensuite, c'est un désert qui est traversé par des grands fleuves comme le Nil, par exemple. Donc, vous avez des écosystèmes et des régions qui sont tout à fait sèches. Ensuite, c'est un désert qui est bordé par la Méditerranée, par l'océan Atlantique et par la mer Rouge. Donc, vous avez véritablement des influences qui sont aussi différentes. Vous venez de l'évoquer, de trois zones distinctes. Là aussi, c'est peut-être à préciser, on parle de Sahara oriental, occidental et central. Ce sont des zones délimitées ou pas tellement, Anne-Marie Lézine? Délimitées... C'est difficile. Je dirais pas ça, non. On n'a pas l'habitude, nous, en tant que paléo-écologistes, de le délimiter réellement. Ce que l'on voit, c'est que les limites entre le Sahara et le Sahel, le Sahara et la Méditerranée, ont été très fluctuantes, en fait. Donc, pour nous, paléo-écologistes, on considère le Sahara comme un endroit où il y a très peu de végétation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais elle est restreinte, elle est disposée de façon extrêmement particulière en bordure des massifs ou alors le long des wadis, c'est-à-dire des cours d'eau temporaires, actifs ou non actifs d'ailleurs. Qu'est-ce qui distingue par exemple le Sahara du Sahel ? Le Sahara du Sahel, eh bien, c'est du point de vue de la biogéographique et phytogéographique, je dirais, c'est la couverture végétale. C'est le fait que vous avez une couverture végétale graminéenne au Sahel qui est courte, avec des plantes qui ne sont pas très hautes en tant que, mais qui sont, et la couverture est discontinue, mais néanmoins elle est assez présente. Et quand vous arrivez vers le Sahara, à ce moment-là, là on n'a plus de couverture herbacée continue. Sauf quand il pleut. quand il pleut, tout d'un coup, tout devient vert. Alors, parce que au Sahara, la vie des plantes se fait sur un rythme qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire, dans une journée, vous pouvez avoir tout le cycle de la vie qui se fait. C'est-à-dire, la plante, il pleut, la plante se développe et puis elle meurt. Mmh. Camille Contou. D'un point de vue plus climatique, on peut voir le Sahara comme un endroit qui est constamment traversé par les alizés, notamment par l'harmattan, alors que le Sahel, qui donc est situé au sud du Sahara, qui est simplement la limite sud du Sahara, de mon point de vue, subit, lui, une saison sèche et une saison humide. Donc c'est tout à fait différent. Le Sahara, on parle aussi de climat saharien, ça veut dire que toute cette grande, cette vaste zone est définie par un ensemble climatique unique, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'homogène, Camille Contou ? Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, on peut dire ça. Je dirais simplement, c'est un secteur où il ne pleut pas, où il pleut très peu. L'évaporation est très supérieure aux précipitations et surtout l'écart de température entre la nuit et le jour est extrêmement fort. Vous avez des températures inférieures à 10 degrés pendant la nuit et supérieures à 40 degrés pendant le jour. Il y a des saisons distinctes sur cette zone saharienne très vaste. Est-ce qu'on peut parler de saisons, de quatre saisons ? Est-ce qu'il n'y a que deux saisons ? Est-ce que c'est une terminologie simplement difficile à appliquer au Sahara, Camille Contou ? Oui, je pense que c'est plutôt ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de saison. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la limite sud du Sahara, il peut peut-être y avoir un petit peu de saisonnalité les années où la mousson est plus importante, parce qu'elle va remonter légèrement plus au nord. C'est aussi les mécanismes qui se sont passés avant, ou justement qui permettaient de faire reverdir le Sahara. Donc à ce moment-là, oui, il y avait une saisonnalité au Sahara. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse parler de saisonnalité. Anne-Marie Lézine ? Non, je pense pas que... Pas plus. peut-être un mot, on va continuer à faire cette carte d'identité de cette si vaste zone. Combien de pays en tout couvrent le Sahara ? Une dizaine ? Alors d'ouest en est, vous avez la Mauritanie, le Maroc, le Sahara occidental, si on considère ça comme un pays à part, l'Algérie, le Mali, le Niger, le... après, on a le Tchad, l'Égypte, le Soudan, et voilà. Libye, Tunisie. La Libye, Tunisie. Et Maroc, on l'a dit au début. Maroc, on l'a dit au début. Voilà. Donc, en tout, on va dire une dizaine de pays. C'est vrai qu'on parle beaucoup, quand on pense au Sahara, on pense aux grandes dunes de sable. Or, le sable, c'est loin d'être la majeure partie de la composante du désert. Oui. J'ai amené moi-même des modélisateurs du LCE au Sahara. Et ils ont cherché le sable, ils l'ont cherché longtemps parce qu'on n'en a pas vu. Je veux dire, la principale morphologie, c'est réellement des grandes étendues plates de cailloux, en fait. Après, il y a les grands massifs. Et puis, les ergues, les grands systèmes dunaires sont assez restreints, en fait. Je veux dire, ils sont localisés dans des secteurs très précis. Alors, un cinquième, ce sont les chiffres que j'ai trouvés à peu près, ça correspond à la réalité. Un cinquième du Sahara et sableux, ce sont des ergues. Oui, c'est pas la majorité, non. La majorité, c'est plutôt... C'est pas plat, je veux dire. Le Sahara, c'est très loin d'être plat. C'est mon autre question, justement. Vous avez des grands massifs. Je veux dire, le Hoggar, le Tibesti... sont vraiment des très très hauts massifs et c'est des massifs complètement dénués, enfin plus ou moins, enfin c'est pas vrai qu'ils sont dénués de végétation, mais enfin c'est des grands massifs pleins de cailloux. Qui culminent à quelle altitude à peu près ? Plus de 3000 mètres, enfin je dirais même pour le Tibesti, me semble-t-il. Il me semble que ça va jusqu'à 4000, mais je suis pas sûr, entre 3 et 4000. Un mot rapidement, là aussi, évidemment, sur une surface aussi grande, on va pas s'amuser à en faire tout le détail, mais de la végétation, de la faune et de la flore, elle est finalement assez limitée sur l'ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait la qualifier ? Je m'adresse à la palynologue que vous êtes, Anne-Marie Lézine, pour la végétation. La végétation actuelle, alors comme le disait Camille tout à l'heure, vous avez... deux systèmes, les systèmes qui sont où vous pouvez avoir des pluies d'été, de la mousson, vous allez avoir des plantes qui sont tropicales mais qui vont venir de moins en moins présentes et vraisemblablement avec quelques graminées en C4 par exemple. Et puis vous avez l'influence méditerranéenne au contraire où vous allez avoir des plantes qui vont venir de la Méditerranée. Et dans les montagnes, vous avez un étagement de végétation. Alors évidemment, c'est jamais très dense, mais vous avez des plantes très caractéristiques. Et il y a aussi une particularité qui est extrêmement intéressante au Sahara, c'est que dans les montagnes, vous avez des reliques de plantes qui sont tropicales humides et qui montre bien, aujourd'hui encore, la trace du climat passé, ce que j'ai étudié moi-même en tant que palynologue. Mais on en trouve, ça a été... Alors, évidemment, les données qu'on a actuellement datent des années 60 à 80, je dirais, ou la période où il y avait des grandes missions botaniques, mm-hmm. enfin naturalistes, hein, au Sahara, et que ce soit au Tibesti, dans les Nedi, ou même dans le Hogar, vous avez véritablement des plantes qui ont pu rester là. Parce que la topographie s'y prête, en fait, elles sont à l'écart, et puis elles témoignent réellement de périodes beaucoup plus humides du passé. Il y a une différence, évidemment, on imagine, entre les zones frontalières, c'est-à-dire le Sud-Sahara, les zones côtières, où on trouve encore une certaine forme de diversité, puis plus on rentre, alors, non ? Les zones côtières, non, hein, parce que c'est des déserts froids. Je veux dire, vous avez un upwelling, c'est-à-dire des remontées d'eau froide qui sont dues justement aux alizés dont parlait Camille tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez l'eau de surface qui est repoussée l'océan Atlantique et donc les eaux froides qui remontent. C'est les eaux parmi les plus productives du monde, hein, faut le savoir. Ça va du Maroc, du sud du Maroc jusqu'au Sénégal. Et du coup, vous avez un désert très froid avec de l'évaporation, beaucoup d'évaporation et des températures froides par rapport. Plus oui. fraîches, plus fraîches que les températures. Je veux dire, la nuit central. Fait froid. Bien sûr. La nuit fait très froid, je veux dire, dans ce secteur-là. Donc, c'est pas des secteurs plus divers, loin de là. Camille, comment est-ce qu'on explique quelque chose peut-être aussi qui caractérise non plus la géographie, mais en tout cas le climat du Sahara, c'est cette extrême stabilité atmosphérique. Le fait que finalement, il n'y ait pas d'entrée d'air humide, d'air plus froid à l'intérieur de cette civilisation. Vaste zone. On parle encore une fois de la taille du continent américain. C'est très très très grand, le Sahara. Eh bien, en fait, le Sahara, du fait de cette grande étendue dénudée, on va avoir une dépression thermique qui se met en place et qui empêche donc les vents de mousson de remonter, puisqu'ils sont contrés par les alizés qui viennent du nord-est. Ces alizés sont générés par la différence de température. Comment se déplacent justement les masses d'air pour se stabiliser autour de toute cette zone saharienne ? Eh bien, les alizés sont générés par la circulation de l'atmosphère à large échelle. Donc, vous avez la cellule convective de Hadley qui est au-dessus. Et donc, vous avez la convergence des masses atmosphériques qui se fait au niveau de ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, qui sont finalement les zones de mousson et qui sont liées au chauffage de l'océan par le soleil lors de l'été dans chaque hémisphère. Mmh. Et vous avez une divergence atmosphérique de l'autre côté de la cellule, donc plus au nord, ce qu'on appelle la latitude des chevaux, quoi. Un mot pour conclure cette petite carte d'identité du Sahara. Est-ce qu'on a est-ce qu'on identifie des points qui sont peut-être, je ne sais pas, les points les plus extrêmes, le point le plus chaud, le point le plus aride, ou ce sont des choses très très fluctuantes, Camille Contou, Anne-Marie Lézine? Il y a des endroits dont on sait que ce sont là qu'on enregistre les températures les plus élevées, même les températures les plus élevées ou les températures moyennes les plus élevées. Elles sont de combien de degrés? Vous ne saurez pas dire. La question, c'est quelles sont les zones, les points les plus chauds, les points les plus arides du Sahara? On sait où ils se situent, s'ils sont dans le centre. Il arrive à un degré où plus aride ou moins aride ne veut plus rien dire. Au Sahara oriental, il y a des secteurs où véritablement l'évaporation est extrêmement importante et donc il y fait très chaud. Dans le Soudan, par exemple, dans les zones du Soudan. Bon, on arrive à une pluviométrie moyenne de 0,5 mm par an, j'ai lu. Ça paraît incroyable, 0,5 mm par an. Ça veut dire qu'il ne pleut pas, ça veut dire que l'évaporation est... Et dominante, mais c'est-à-dire qu'il fait tellement sec, je veux dire que même s'il pleuvait, la pluie n'atteint pas le sol, en fait. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, dans la méthode scientifique, nous parlons du Sahara, de son présent. C'est ce que nous venons de tenter de faire, hein, d'une sorte de carte d'identité de cette gigantesque zone dans le nord du continent africain. Et puis nous allons parler maintenant de son histoire, de son passé, avant de nous projeter tout à l'heure dans son éventuel futur ou dans ses futurs possibles. Nous en parlons en compagnie de Camille Contou et d'Anne-Marie Lézine. Alors, le Sahara n'a évidemment pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Et on a longtemps cru, Camille Contou, que c'était une formation géologique assez récente, moins de 100 000 ans avant notre ère. Moins de 100 000 ans 86 000 ans, j'avais... Non, pas du tout. Quand même, Marie-Lézine, vous n'êtes pas d'accord. Non, pas du tout. Mais je ne voudrais pas... sans remonter aussi loin que ce que le travail de Camille, je dirais qu'on est sûr du développement d'espaces désertiques, d'après les analyses paléontologiques, dans les carottes marines qui longent l'Afrique d'au moins 3 millions et demi d'années. Mm-hmm. Je veux dire, après, ce que l'on sait... c'est que, en fonction des variations glaciaires interglaciaires, la limite du Sahara du Sahel a constamment changé. C'est-à-dire, elle s'est augmentée vers le nord pendant les périodes interglaciaires où il pleuvait beaucoup, et elle a descendu vers le sud. Et ça, on a cette idée relativement précise pour les derniers 500, 600 000 ans. Je veux dire, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez cette idée en tête, mais... C'est pas mon idée à moi, c'est l'une des choses que j'ai lues pendant l'émission. C'est clair qu'on a peu de données, je veux dire. Et plus on étudie... alors là, il y a des gens qui ont travaillé sur le désert du Namib, par exemple, et qui... On sait qu'en tous les cas, c'est à la limite oligocène, miocène, on voit apparaître de grands espaces herbacés du type plutôt savane, mais je veux dire, pour le désert, réellement, on sait que ça s'est accentué, particulièrement dans la partie nord-ouest de l'Afrique du Nord, à partir de 3 millions et demi, avec une intensification forte au cours du dernier million d'années, je dirais. Alors, bon, enfin, c'est plutôt ta partie que la mienne. Alors Camille, je me retourne vers vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez contribué à des travaux assez récents, publiés en 2014, qui a repoussé l'âge du Sahara par rapport à l'âge qu'on lui attribuait jusqu'à présent. Expliquez-nous un peu cela. Oui, alors l'âge qu'on lui attribuait jusqu'à présent était notamment basé sur des carottes sédimentaires au large de la Mauritanie et des enregistrements de poussière en fait. Et dans ces enregistrements, on observe une aridification, donc plus de poussière en quelque sorte, vers 3 millions et demi. Donc il y a une première glaciation en fait de l'hémisphère nord qui a lieu vers 3,3 millions d'années, puis vraiment le début de la mise en place des cycles glaciaires interglaciaires à 2,7 millions d'années. Donc on avait un mécanisme qui pouvait expliquer cette aridification en Afrique, qui est de dire, bon, puisqu'on a beaucoup de glace dans l'hémisphère nord, ça va complètement pousser vers le sud justement cette cellule de Hadley et donc cette mousson, et donc ça aridifie le Sahara, et donc le Sahara a environ 3 millions d'années. Mmh. Mais je crois que c'était en 2002, notre collègue Mathieu Schuster avait, lui, observé dans le désert du Djourab, donc au Tchad, quoi, au nord du lac Tchad, si vous voulez, la présence de dunes fossiles d'un âge environ 7 millions d'années, donc c'est-à-dire la fin du Miocène. Et lorsqu'il avait publié ça, beaucoup de gens étaient montés au créneau en disant « Mais non, mais de toute façon, tu n'as pas de mécanisme pour expliquer ça. » Donc pas de mécanisme climatologique. Voilà, pas de grande explication derrière cette observation. Donc c'est une observation mais qui n'est valable qu'à cet endroit donné. Ça ne veut rien dire sur le global. Et en 2014, nous avons donc fait cette étude à l'aide de modèles climatiques où nous avons changé la paléogéographie, la géographie dans le modèle. À l'Oligocène et au Miocène, on a un grand océan qui s'appelle la Tétis, qui est, si vous voulez, la relique du Tétis aujourd'hui, c'est la Méditerranée. Et on s'aperçoit qu'en fermant cet océan, ce qui se passe environ vers 7 millions d'années, on crée une aridification énorme sur l'actuel Sahara. Alors, on va rentrer un peu dans le détail parce que c'est assez passionnant. Peut-être qu'il faut redire un mot, Camille Contou, de ce à quoi ressemblent les continents et ce à quoi ressemble la Terre à cette époque-là. Donc, entre 11 et 7 millions d'années, ça n'est pas, les continents ne sont pas du tout à l'endroit où ils sont aujourd'hui. Ils ne sont pas tout à fait placés exactement au même endroit. Oh ben, c'est quand même relativement récent, 7 millions d'années, à l'échelle de la tectonique des plaques. Vous avez les grandes chaînes de montagnes qui ne sont pas encore tout à fait finies, donc le rift est-africain qui est quand même déjà qui a déjà fait sa surrection mais qui ne ressemble pas tout à fait au rift actuel. Les Andes, les rocheuses qui ne sont pas telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais bon, les continents sont grosso modo à peu près au même endroit. Après, vous avez des passages océaniques qui ne sont pas, par exemple, Bering, Panama est ouvert à ce moment-là. Et donc, vous avez la fin de l'océan Tétis, donc une Méditerranée un peu plus grande, et puis la Paratétis, qui est, si vous voulez, comme une grande mer noire. Et à la place de la péninsule arabique, vous avez l'océan Tétis. On va vous mettre sur le fil Twitter de la méthode scientifique, justement, des quelques schémas qui montrent la fermeture de cette vaste mer Tétis. Comment on peut être rentré, on va entendre dans un instant Gilles Rammstein qui a contribué aussi à cette étude de 2014. Qu'est-ce qui vous amène et comment vous avez procédé justement pour l'étude de ces dunes, de ces formations dunaires fossiles dans le lac Tchad? Qu'est-ce que vous étudiez en fait pour pouvoir les dater, pour pouvoir comprendre leur formation, pour pouvoir arriver à ce modèle qui vous conduit à la formation du proto-Sahara et du Sahara, Camille Contou? Alors l'étude des dunes, c'est Mathieu qui est sédimentologue qui l'a faite. Je ne sais plus exactement dans quelle mesure comment il a daté ça. Par contre, nous, ce qui nous a motivés pour l'étude de modélisation, c'était clairement cette question-là. C'était l'observation de ces dunes. Finalement, à quoi est-elle due? Donc, on a fait des études de sensibilité avec nos modèles climatiques en changeant différents paramètres, en changeant la géographie, en changeant le CO2. En changeant les températures de l'océan Tétis, etc., pour voir quel était le facteur qui contribuait le plus à la aridification du Sahara. Et on a pu montrer que ce n'est pas le CO2, que ce n'est pas les températures, et que c'est vraiment ce changement de paléogéographie qui a fait que le Sahara est devenu le Sahara tel qu'on le connaît. Qu'y avait-il avant cette aridification? Quelle était la nature du sol et de la géologie de ce qu'il y a en lieu et place aujourd'hui du Sahara? Alors pour la nature du sol, on ne peut pas... De la faute, de la flore, vraiment, parce que quel type de climat il y avait? Le savoir, mais il y avait simplement un climat tropical humide, donc ce qu'on peut observer aujourd'hui comme faune probablement au Cameroun, et remonter, si vous voulez, plus vers le nord... et couvrait jusque le nord du Tchad. Alors pour comprendre comment s'est opérée cette transformation climatique et le déroulé biogéologique qui conduit donc à cette formation du Sahara, je me retourne vers Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Vous êtes allé interroger un autre des signataires de cette étude de 2014, c'est le climatologue Gilles Rammstein. Oui, Gilles Rammstein que vous connaissez bien, Camille Contou, puisqu'il est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement où vous travaillez. Et une fois n'est pas coutume, je ne me suis pas rendu dans un laboratoire pour enregistrer cet entretien, mais aridité oblige, dans un débit de boisson, d'où cette petite ambiance si propre à nos chers cafés. Gilles Rammstein m'a expliqué comment le Sahara tel que nous le connaissons a pu apparaître et comment les modèles qu'il a utilisés avec son équipe lui ont permis de lever le voile sur cette genèse du Sahara. Alors en fait, le Sahara n'a jamais été recouvert par la Tétis. Par contre, la Tétis était une immense mer dont aujourd'hui il faut imaginer que la Méditerranée, la Caspienne, sont vraiment des reliquats. Cette mer, elle était vraiment immense. Elle couvrait toute l'Europe de l'Est et tout l'Ouest de l'Asie. Et donc, il y a 40 000 ans, il faut imaginer qu'entre l'Europe et l'Asie, il y avait une mer épicontinentale, ça veut dire au centre d'un continent, qui vraiment était totalement énorme. Et cette mer, petit à petit, au cours des 40 derniers millions d'années, suite à des forçages tectoniques, elle va se rétracter, exactement comme la Méditerranée. Vous êtes sur Terre pour 100 ans, moi aussi, mais si vous aviez la chance d'y être pendant plusieurs millions d'années, vous verriez la plaque africaine petit à petit combler la mer Méditerranée. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé pour la mer Tétis. La mer Tétis a été comblée petit à petit, et aujourd'hui, il en reste, comme je vous disais, que des petits reliquats. Et bien, cette mer Tétis, elle avait évidemment un impact climatique énorme sur les moussons en particulier. Donc, au fur et à mesure que cette mer épicontinentale va se rétracter, la circulation atmosphérique va changer, les apports d'eau vont changer, ça va avoir deux conséquences. Une conséquence, c'est que ça va augmenter les moussons indiens et asiatiques et ça va modifier les transports de moussons africaines. Et en particulier, cette modification de transport d'advection d'humidité va faire que des zones qui avant étaient bien arrosées, comme le Sahara, vont devenir désertes. Et on peut montrer qu'effectivement, par des données géologiques, mais aussi par des modélisations, qu'au tortonien, c'est-à-dire au moment où la Tétis s'est quasiment rétractée, qu'elle est à peu près ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien, le Sahara a émergé. C'est-à-dire que ça a conduit à ne plus arroser ces zones d'Afrique du Nord et ça a conduit en fait à une aridification assez massive de l'Afrique du Nord. Et c'est intéressant parce que c'est dans ce contexte-là, il y a 7 millions d'années, que va naître un nouveau type d'évolution climatique en Afrique. Et justement, ça nous intéresse parce que entre 7 et 2 millions d'années, c'est aussi la période climatique et historique qui correspond à l'évolution des hommes. Donc sous quel climat et sous quelle évolution climatique les hommes sont nés, c'est extrêmement intéressant. Selon quelle méthode et suivant grâce à quels outils vous êtes parvenu à cette découverte-là? Alors, en fait, tout le truc, ça consiste à utiliser des modèles de climat. Alors c'est quoi des modèles de climat par rapport à des modèles météorologiques? Les modèles de climat ne vont pas vous dire à quelle température il faisait à Brest il y a 10 000 ans. Ce qu'ils sont incapables de le faire, évidemment. La prévision météorologique atmosphérique, elle est de 7 jours. Les modèles de climat vont vous dire quel est le climat sur une région à partir de simulations qui couplent à la fois l'atmosphère, qui est donc le système rapide, et l'océan. Et ces deux fluides-là sont les fluides les plus importants du système qui répartissent l'énergie. Et donc, à base de statistiques et de modélisation numérique, on peut extraire des climats, c'est-à-dire des variations climatiques. Alors, comment on fait? Eh bien, on prend le climat d'aujourd'hui et puis on le perturbe. Alors, comment on fait pour le perturber, par exemple, il y a 7 millions d'années? Eh bien, on met la paléogéographie que des gens, des sédimentologues, des géologues nous restituent. Par exemple, on va mettre la paratétis qui restait de la tétis. On va faire attention au fait qu'il y a 7 millions d'années, les montagnes étaient différentes, le niveau marin était différent, les continents étaient différents. Et donc, on va dire au modèle, trouve-moi l'équilibre climatique avec telles conditions, dans de telles conditions, dans les conditions telles qu'on les restitue il y a 7 millions d'années. Ce que nous, on appelle dans notre jargon les conditions limites. Alors les conditions limites aujourd'hui, par exemple, c'est deux calottes de glace, une au Groenland, une en Antarctique, un niveau marin qu'on connaît, des continents qu'on connaît. Les conditions climatiques il y a 7 millions d'années, pour donner juste un exemple, eh bien il y a 7 millions d'années, il n'y avait pas de Groenland. Et le niveau marin était beaucoup plus élevé. Par contre, il y avait l'Antarctique de l'Est, mais il n'y avait pas l'Antarctique de l'Ouest. Donc on connaît un peu tout ça. Et donc on dit au modèle, trouve-moi le climat qui correspond à ça. Et on voit, à partir de là, avec comme référence le climat actuel, que quand on retire la mer Tétis, quand on transforme cette mer Tétis en continent, quand elle se retire, après on calcule exactement comment se fait l'advection d'eau dans un tel monde. Et l'advection d'eau de la mer vers la terre, donc les moussons, on peut les calculer aujourd'hui, on peut les calculer il y a 7 millions d'années dans un contexte différent. Et on voit que le parcours, si vous voulez, les chemins, la distribution des moussons change avec ça. Et on voit en particulier que l'eau qui tombait avant sur le Sahara, qui faisait que le Sahara était à peu près constamment vert, eh bien, ça a plus être le cas. Au fur et à mesure du retrait de la Tétis, le Sahara va s'aridifier, s'implanter. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que le Sahara, tel que vous le voyez aujourd'hui, il a toujours été comme ça. Après, il y a des évolutions climatiques qui font que le Sahara, il évolue toujours entre ce qu'on connaît aujourd'hui et un Sahara qu'on qualifie de Sahara vert, qui est beaucoup plus humide. Il y a des modulations, hein. Il y a des périodes avec des très très fortes moussons, puis des périodes avec... Mais grosso modo, l'apparition et la disparition du Sahara vert se fait sur des fréquences de 20 000 ans. Mais avant les 7 millions d'années, avant l'origine du Sahara, le Sahara était essentiellement vert. Et depuis 7 millions d'années, le Sahara oscille un peu avec la fréquence d'une horloge, mais c'est pas vrai ce que je dis, parce que la Terre est beaucoup plus compliquée que ça. Mais en gros, quand même, avec des modulations de 20 000 ans, eh ben, il oscille entre un Sahara plus vert et un Sahara plus jaune. La question de l'origine du Sahara, c'est vachement important, pas simplement parce que bon, on s'intéresse à l'origine d'un désert, qu'on a envie de savoir quand est-ce que ça a commencé, mais surtout parce que ça donne un cadre à l'évolution de nous, des hommes. Nous, on est un des êtres qui ont été façonnés par l'eau, le fait d'avoir de l'eau et le fait de vivre dans des végétations plutôt luxuriantes. D'abord dans des arbres, et puis après, ça c'est une autre histoire, mais on a montré aussi que quand la forêt a disparu à l'est de l'Afrique, ben là, les hommes, ils ont été obligés à peu de marcher. Mais tout ça est vachement dirigé, enfin, c'est pas un lien mécanique, hein, c'est pas vous appuyez sur un truc par le climat, mais quand même le climat joue un rôle super fondamental. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on change le climat à des échelles de temps de 100 ans. Il faut s'attendre à avoir des gros problèmes, en effet. Voilà le reportage du jour sur les premières heures du Sahara, en quelque sorte, sur la formation de ce vaste et gigantesque désert. Une réaction l'une et l'autre. Alors Camille Contou, vous avez contribué à cette étude de 2014 sur la datation du Sahara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez entendu? Oui, donc on réagissait, parce que Anne-Marie réagissait sur la périodicité du Sahara vert à 20 000 ans. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit que selon la période de temps qu'on étudie, si on étudie des périodes très anciennes ou des périodes plus récentes, on va pas avoir la même vision de la périodicité du Sahara vert. Donc, nous, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que avant, on va dire, 7 millions d'années, même si c'est plus ou moins, voilà, un ou 2 millions d'années, c'est pas très précis, on a un Sahara qui est relativement humide, donc avec de la végétation tropicale humide, et qui est surtout qui est stable, c'est-à-dire qui ne va pas être trop influencé par les changements de l'orbite terrestre. À partir du moment où l'océan Tétis n'est plus là et qu'on a la péninsule arabique à la place, on va avoir une cette zone géographique va devenir beaucoup plus sensible aux variations de l'orbite terrestre et aussi au cycle glaciaire interglaciaire qui vont arriver dans le temps bien plus tard puisqu'ils n'arrivent que vers 2,7 millions d'années. Avant 2,7 millions d'années, il n'y a pas de cycle glaciaire interglaciaire. Parce que le CO2 est trop élevé et aussi des considérations géographiques qui empêchent cet englacement. Anne-Marie Lézy, une réaction à ce reportage, à ce que vous venez d'entendre ? Moi, je trouve très intéressant la méthode employée parce qu'elle permet de faire des scénarios de fonctionnement et puis d'expliciter à la fois en tenant compte la paléogéographie et puis ce que l'on connaît de la physique du climat, des périodes extrêmes. Ces périodes extrêmes jusqu'à présent, le Sahara est un bon exemple parce que justement, il était désertique et puis on sait que au néolithique, il a abrité des populations qui ont pratiqué l'agriculture et l'élevage. Donc, si vous voulez, à un temps qui est celle de l'échelle humaine et de l'histoire, en fait. Néolithique, il y a 10-15 000 ans, oui, à peu près. Un peu plus. Disons qu'un peu moins, je dirais, disons 9-7 000 ans, un truc de ce genre. On peut considérer que là, on connaît l'histoire, c'est quelque chose qui nous touche parce qu'on peut se dire qu'on peut voir nous-mêmes, comme le disait Gilles Rammstein, du changement climatique à l'échelle d'une génération de personnes ou de plusieurs générations, en fait. Et en fait, là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la récurrence d'événements extrêmes de pluie, je veux dire, qui aujourd'hui on parle de reverdir le Sahara parce que, alors c'est pas la même notion que celle que l'on a utilisée jusqu'à présent, parce que verdir le Sahara c'est de mettre du vert là où il y a du jaune. Et ce qui nous intéresse, c'est quel type de verre vous mettez, en fait. Je veux dire, alors, si vous pouvez, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, quand il pleut, tout d'un coup, les plantes se mettent à pousser. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs, dans les années qui nous ont précédés, plusieurs saisons des pluies qui sont favorables et qui ont permis à ce que des plantes de type saharien se mettent à pousser. Sauf que, quand on parle, nous, du Sahara vert, dans les périodes anciennes, on voit des plantes tropicales dans des endroits qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus tropicales. Donc des plantes qui aujourd'hui poussent dans des secteurs où naturellement il pleut énormément. Donc c'est ça qui nous intéresse de voir, tout en comprenant que à la fois notre vision est parcellaire, mais Sahara vert ne veut pas dire que vous avez rempli tout en vert. Loin de là. Et on va justement discuter de cette histoire beaucoup plus récente qui nous conduit jusqu'au présent, de ce Sahara qui, comme vous l'avez entendu, et vous avez bien entendu, eh bien, était encore peuplé, pas seulement d'animaux et de plantes, mais aussi certainement de d'hominidés. Allez, on va dire d'hominidés, on en reparle dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 7 millions. كما ساعة أقول انت ناري ورهي جرود تكو انت شمار يا عضو تندني شمار إباد التفوق يا عضو تندني شمار إباد التفوق كما ساعة أقول انت ناري ورهي جرود تكو انت شمار يا عضو تندني شمار إباد التفوق شمار يا عضو تندني شمار إباد التفوق زيا غادق لغريت طوت تفوق لطن ريت ملت لجواتي غف تكون ريت ملت لجواتي غف تكون كم الساعة أكون انت ناري وري جروت تكون شمار يا دود الناس شمار فارق شمار يا دود الناس شمار ضغانا دغوي نسانا كان تروح سنغديها لنا ما ننطوق سنغديها لنا ما ننطوق تجنتين فوسن اتا جواستيني تجنتين فوسن اتا جواستيني مساء كل تنير ورني دروتا كنت يا دو تنس شماري فارق تفور يا دو تنس شماري فارق تفور ما جاتا والتر وتسا ستا ساتك ناتديو فنسي النفوس أرضي لنا سلتكوي هي النفوس أرضي لنا سلتكوي مساء كل تنير ورهي جروتا كون شمارا يا مدنس شمارا فارد كفو شمارا يا مدنس شمارا فارد كفو كمساء كل تنير ورهي جروتا يا ضو تنت نشمر بعد تفوق كما ساعة كل تنير ورهي جروتا كون شمارا يا ضو تنس شمار فارد تفوق شمارا يا ضو تنس شمار فارد تفوق Amasa Kulen Ténéré du groupe Tinari Wen sur France Culture à 16h et bientôt 40 minutes puisque nous parlons du Sahara et de l'histoire du Sahara tout au long de cette heure en compagnie de Camille Contou qui est chercheuse contractuelle au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et d'Anne-Marie Lézine qui est palynologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentations et approches numériques à Sorbonne Université. Alors on va reprendre bien le fil de l'histoire là où on l'était ou là où on l'a laissé. C'est pour s'approcher petit à petit du présent. C'était intéressant dans ce qu'on entendait et dans ce qui a été évoqué juste avant cette coupure musicale, c'est que, eh bien, quand on commence à faire coïncider les dates, on se rend compte que cette datation que vous avez produite avec votre équipe, Camille Contou, c'est-à-dire l'assèchement du Sahara de aux alentours de 7 millions d'années, eh bien, ça correspond dans l'histoire de la paléoanthropologie à l'apparition des premières traces ou de l'évolution des premiers hominidés. Est-ce qu'aujourd'hui il est un peu tôt et qu'on manque encore un peu de matière pour établir un lien de causalité directe entre la transformation climatique et la sortie de la savane, de la jungle, ou est-ce qu'on peut commencer à établir quelques parallèles à votre avis? Alors, on sait donc que le Sahara a 7 millions d'années et on sait que le plus vieil hominidé potentiel a aussi 7 millions d'années. C'est Toumaï, voilà, Sahelanthropus tchadensis, pour son petit nom scientifique, qui a été trouvé au nord de l'actuel lac Tchad, en plein Sahara actuellement. Alors, cet hominidé, on n'en sait pas grand-chose de lui, on a un crâne, bon, il y a eu beaucoup de controverses ou d'histoires à propos de ça. Ce qu'on sait... Peut-être un fémur, donc on verra dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent. On en a parlé longuement ici, on ne va pas y revenir aujourd'hui. On ne verra rien parce que le fémur ne nous dira rien. On ne sait pas, je ne suis pas paléontologue. Ce que je sais en revanche, c'est que cette hominidé vivait sur les bords d'un très grand lac qui était l'ancien lac Tchad qui faisait la taille de la moitié de la France, qu'on appelle le méga lac Tchad. Et autour de ce lac, il y avait de la végétation, quelques arbres, des plantes en C4. Mais un peu plus loin du lac, il y avait aussi le désert. Donc voilà, cet hominidé, voilà l'environnement dans lequel il vivait, dans tous les cas, qu'ils soient bipèdes ou non. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a des hominidés plus récents, donc autour de 4-3 millions d'années. Là, on commence à en avoir beaucoup plus. Mm-hmm. Ce sont tous les australopithèques qu'on trouve en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, et aussi qui a été trouvé par la même équipe dans le bassin du lac Tchad aussi. Donc autour de celui-là a été trouvé vers 3,5 millions d'années. Et on sait que ces australopithèques ne vivent pas dans la forêt, ils vivent dans la savane, c'est-à-dire dans un environnement qui est moins arboré, qui est plus fort en herbacées, en graminées, etc. Voilà, donc il faut, en tout cas, la forêt tropicale n'est pas l'environnement de nos ancêtres, quoi. Ils avaient besoin de quelque chose de quand même plus aride. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, indépendamment de la localisation géographique, hein, parce qu'on sait que, bien, justement, la découverte de Toumaï a remis en question l'East Side Story d'Yves Coppens, mais néanmoins, c'est exactement ce que Yves Coppens décrit dans son East Side Story, c'est-à-dire une transformation climatique qui est à l'origine de la sortie des grands primates de la forêt. Donc là, d'un seul coup, les dates commencent à coïncider. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie Lézine? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, c'est vrai qu'on voit les divergences, l'apparition, l'évolution des hominidés, qu'on a fortement tendance à mettre avec des grandes phases de crise environnementale vers une aridification, ça c'est clair. Alors, beaucoup plus proche de nous, on s'est intéressé à la sortie d'Afrique, en fait. Et là, ça devient plus compliqué parce que... d'abord, on a toujours très peu d'indices, hein, en fait, et ensuite ça, on se demande pourquoi les gens ont bougé. Alors, on peut penser que c'est pour une raison qui est effectivement environnementale. Et de fait, on a trouvé des indices de lacs autour de 50 000 ans dans le désert, particulièrement dans le nord-est de l'Afrique du Nord. Et on se demande si c'est pas des environnements comme ça, assez favorables, qui ont permis aux gens de migrer et puis ensuite d'aller découvrir d'autres terres. Finalement, la date de la sortie d'Afrique est encore sous matière à débat et on n'a pas encore complètement élucidé cette affaire. Parce que si on parle effectivement de la création du Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui à 7 millions d'années, en revanche, il n'a évidemment pas, et on le dit depuis le début de cette émission, toujours été un Sahara jaune. Il a alterné entre Sahara jaune et Sahara vert. Qu'est-ce que la palynologie, qu'est-ce que l'étude des végétaux fossiles nous indique justement sur ces différentes phases du Sahara? Alors, on a différentes manières d'aborder la question. On a un tas d'outils que l'on utilise, particulièrement ou bien l'analyse palynologique, c'est-à-dire des grains de pollen fossilisés dans les sédiments marins, qui nous donnent accès à des longues séquences de temps, ou bien des grains de pollen sédimentés dans les lacs, dont on a gardé la trace au Sahara actuel. En fait, on a d'abord les premiers indices étaient par Arambourg dans les années 50. Hein, je veux dire, on a trouvé une faune tropicale en bordure du massif du Hoggar. Commencé à poser la question de savoir pour quelles raisons on trouvait des crocodiles, des trucs et des machins comme ça dans des endroits où il y avait plus d'eau du tout, quoi. Donc ça a amené toute une génération de gens à aller traverser le Sahara, regarder, il y avait beaucoup de restes de lacs. Enfin, dans une synthèse récente, j'ai pu relever plus de plusieurs milliers de datations carbone 14 de lacs fossiles dans tout le Sahara, pour tout l'Holocène. Alors, on a parlé du mégalac Tchad qui s'était réactivé, bien évidemment, mais il y a énormément d'endroits où les lacs se sont développés. C'est là qu'on laissait des sédiments, et ces sédiments, on les analyse et on regarde les grains de pollen qui sont dedans. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit... aujourd'hui, on a une distribution des plantes en Afrique qui va depuis l'équateur jusqu'au tropique, suivant un gradient d'aridité croissante. Alors, on va depuis la forêt dense, après les zones de forêt claire, de savane, de steppe et puis de désert. Et à l'Holocène, c'est-à-dire au cours des 10 derniers mille ans... Enfin, la dernière période géologique. Alors, la dernière période humide, on date son début de 15 500 ans environ, avant le présent. Du Sahara, la dernière période du Sahara. Oui, du Sahara. On voit arriver des plantes tropicales que l'on trouve aujourd'hui beaucoup plus au sud. Et on a pu, grâce à la présence de ces plantes, imaginer les précipitations dont elles avaient besoin pour survivre. Et puis on s'est aperçu que il y avait de l'eau dans le sol, c'est-à-dire que ces plantes, elles migraient depuis le sud en suivant les cours d'eau, là où il y a beaucoup d'eau disponible, où elles peuvent se développer. Et en fait, le Sahara vert à ce moment-là, c'est un endroit assez fascinant parce qu'on s'aperçoit que le changement climatique dans ces grandes périodes extrêmes favorise une biodiversité extrêmement importante puisque on voit donc la coexistence de plantes tropicales et de plantes arides qui coexistent dans un endroit où aujourd'hui elles ne peuvent pas se trouver ensemble, à de très rares exceptions près. Donc on peut imaginer que en bordure des lacs et de ces très nombreux lacs et de ces cours d'eau, s'étaient développées des végétations de forêt-galerie avec des plantes tropicales. Comme aujourd'hui on aurait dit des oasis, eh bien c'était des oasis mais avec autre géants. Chose que des géants mais pas forcément plus géants mais en tous les cas d'une autre composition parce qu'il y avait pas de palmiers, il y avait des arbres que l'on trouve dans le sud du Sahel, en fait, je veux dire, ou dans le nord de la zone de la forêt, quoi, je veux dire. Donc, tout ça, c'est du point de vue biologique extrêmement intéressant, parce qu'il faut vous imaginer que pendant la dernière période glaciaire, ces plantes, elles étaient en bordure du golfe de Guinée, c'est-à-dire des milliers de kilomètres plus au sud. Donc, il leur a fallu du temps pour investir toutes ces surfaces, et elles ont utilisé le bord du Niger, le bord du Nil, le bord de du fleuve Sénégal pour pouvoir migrer. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la grande période humide holocène. Et à ce moment-là, vers la fin de cette grande période, on a 5-6 000 ans. À cette période-là, on commence à voir apparaître des peintures rupestres qui témoignent encore de ces faunes extrêmement importantes qui ont vécu au Sahara. Et puis à la fin de l'Holocène, à ce moment-là, il se passe un phénomène qui fait que la mousson se rétracte et que progressivement, on voit apparaître le Sahara tel qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique, Camille Contou, cette grande variabilité climatologique que vient de décrire Anne-Marie Lézine? Comment est-ce qu'on passe finalement de ces périodes sèches à ces périodes humides? Est-ce qu'on a des modèles qui nous expliquent ça? Oui, alors donc il y a plusieurs choses qui vont influencer la position de la mousson africaine. Donc notamment ça va être les paramètres orbitaux, donc Milankovitch, comme on dit. Les paramètres de Milankovitch. Qui déterminent, vous pouvez nous en dire un mot, en quelques mots, ce que c'est pour nos auditeurs. Ce qui va beaucoup jouer sur la mousson africaine, ça va être le paramètre de précession. Donc le paramètre de précession, c'est simplement le fait que l'axe de rotation de la Terre décrit un cône, un peu comme une toupie quand elle commence à tomber, voilà. Et donc ça, couplé au fait que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas circulaire mais elliptique, va faire que les saisons ne vont pas toujours tomber au même endroit sur l'orbite. Donc vous allez avoir des fois où au moment de l'été, vous allez être plus proche du soleil et 10 000 ans après, au moment de l'été, vous allez être moins proche du soleil. Donc ça va changer l'insolation aux basses latitudes et donc ça va changer la position de la mousson. Et donc typiquement, il y a 10 000 ans, on était dans une configuration de précession différente où on avait plus d'insolation durant les mois d'été au tropique, ce qui fait que la mousson était plus forte. Après, vous avez un deuxième paramètre très important qui est la quantité de glace aux hautes latitudes. Et donc, entre 7 et 3 millions d'années, vous n'avez quasiment pas de glace aux hautes latitudes nord. Donc, vous n'avez pas de variabilité glaciaire-interglaciaire. Donc, votre mousson n'est contrôlée que par la précession. Donc, elle va varier sur des cycles de 20 000 ans, plus l'excentricité qui est à 400 000 ans et à 100 000 ans. Donc, tous les 400 000 ans, vous allez avoir des variations énormes de 20 000 ans. Et à partir de 3 millions d'années, vous avez les cycles glaciaires-interglaciaires qui se mettent en place. Et là, vous allez avoir cette empreinte-là sur la variabilité de la mousson. C'est-à-dire que plus il y a de glace et plus la mousson est au sud et plus le Sahara devient aride de facto. Voilà. C'est cela. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être un mot sur ce qui va advenir. On sait aujourd'hui que le Sahara progresse, vers le sud notamment. Il progresse, d'après les chiffres, je vous vois froncer les sourcils, mais les chiffres que j'ai trouvés, c'est que depuis le début du XXe siècle, il a progressé de plus de 250 km vers le sud, en partie à cause de la déforestation. Il progresserait de 2 km par an. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, vous avez le droit de nous le dire. Écoutez, depuis le temps qu'on entend le Sahara progresser vers le sud, il ne devrait plus rien y avoir en Afrique. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit Exactement ça. Mm-hmm. C'est clair que le nord du Sahel est un secteur peuplé, et peuplé de gens qui ont de grands troupeaux. Donc, il est possible que l'action de ces grands troupeaux contribue à la disparition des plantes herbacées, mais certainement, non, Camille Contou a pas l'air d'accord certainement du tout. D'une petite partie, mais pour autant, depuis, si vous regardez les images satellites aujourd'hui, au contraire, on voit reverdir une partie du Sahara. Donc, je dirais que il faut se méfier des concepts. Je veux dire, pour moi, le Sahara vert, c'est l'intrusion de plantes tropicales dans un écosystème aride. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui regarde une image satellite, ça va être simplement le reverdissement de plantes qui sont sahariennes. On n'a pas de changement biogéographique, on a un changement qui est très important parce que ça va impacter le climat global puisque c'est l'albédo de la Terre qui va changer. Ça, c'est l'albédo de la Terre, c'est quand les glaces fondent et que le c'est la réflexion, voilà, la réflexion de la lumière. On a parlé dans des émissions autour mais de je pense que... alors ça, c'est quelque chose que l'on peut prédire comme étant quelque chose qui... Mais enfin, je ne suis pas très sûre, à l'échelle géologique qui m'intéresse... je dirais que l'action de l'homme a fortement impacté l'évolution naturelle. Quoi. Alors la question surtout, c'est, vous dites, Anne-Marie Lézine, que le Sahara, qu'on constate que le Sahara reverdit, quel est à grande ou à moyenne ou à grande échelle le devenir du Sahara? Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle vague de Sahara vert? Est-ce que le réchauffement climatique en cours va conduire au réchauffement du Sahara ou au contraire à son aridification? Camille Contou. Il faut se méfier des échelles de temps quand on parle de Sahara qui progresse ou qui régresse. Il y a eu au Sahel une très grande sécheresse dans les années 70-80 qui n'était pas liée forcément à l'action de l'homme, mais qui était simplement liée à la variabilité naturelle de l'océan Atlantique. Donc il y a des années où c'est plus sec, bon, c'est comme ça. Donc il y a eu des grandes sécheresses. Plus récemment, la pluviosité au Sahel est remontée. Il y a une étude récemment qui a même... dit que cette remontée des précipitations serait liée à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc, bon, peut-être, ils avaient de bons arguments en tout cas. Il faut se méfier aussi de l'uniformisation, de dire le Sahara, le Sahel, c'est pas la même chose si vous êtes en Mauritanie, si vous êtes au Tchad ou si vous êtes au Soudan. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir des projections, c'est que... ce qu'on sait, c'est que dans le passé, en tout cas, quand on avait plus de CO2, le Sahara était plus vert. Donc, a priori, la réponse du système à l'équilibre, à une augmentation de CO2, c'est plutôt d'avoir plus de moussons et donc d'avoir un Sahara plus vert, ou du moins un Sahel qui s'étend vers le nord, un Sahara plus petit. Maintenant, il y a aussi des études qui montrent que lorsqu'on fait fondre la calotte de glace, on va mettre une grande quantité d'eau douce en Atlantique Nord, et ça va complètement modifier la circulation océanique et ça va complètement pousser vers le sud la mousson. Donc ça, c'est pas la réponse à l'équilibre, c'est la réponse transitoire, c'est avant d'atteindre un équilibre. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce que tout ça n'est pas forcément pris en compte dans les projections, notamment la fonte du Groenland n'est pas prise en compte dans les scénarios futurs style RCP, RCP 8.5, etc. Parce qu'on n'a pas les modèles pour. Donc on n'a pas vraiment de réponse encore. Donc il faut se garder de faire des grands projets inutiles de transfert d'eau de bassin versant à bassin versant, je pense. C'est ce que vous venez de faire. Et ce sera le mot de la fin. On voit deux scénarios concurrents. Et pour le moment, il est difficile d'avoir une vision à long cours. Mais comme tous les jeudis, et puis je vous laisserai dire un dernier mot dans quelques minutes, Camille Contou. Mais avant tout, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jeudis à cette heure-là, la Bibliothèque des sciences, hein, les grands ouvrages scientifiques qui ont marqué l'histoire de la recherche. C'est Michel Blais qui nous parle aujourd'hui de Galilée. La Bibliothèque des sciences. Donc je me propose de lire quelques lignes d'un texte très important de Galilée, extrait du discours concernant deux sciences nouvelles, publié en 1638, parce que Galilée à ce moment-là est en résidence surveillée à Arcetri après le procès de 1633. Donc, ce livre se décompose en quatre journées, et je vais lire un passage court de la première journée, dans laquelle est dit l'essentiel. Mon intention, je le répète, est de montrer que les variations de vitesse qu'on observe entre mobiles de poids spécifiques différents n'ont pas pour cause ces poids spécifiques, mais dépendent de facteurs extérieurs et notamment de la résistance du milieu, en sorte que celle-ci supprimée, tous tomberaient avec les mêmes degrés de vitesse. C'est un résultat essentiel parce que d'une part, dans la première partie de ce texte, Galilée critique Aristote, qui considérait que plus le corps était lourd, plus il tombait vite. Bon, ça, non. Il pense que ce n'est pas une propriété intrinsèque des corps, mais que tous les corps tombent à la même vitesse s'il n'y a pas de résistance extérieure. C'est-à-dire qu'ils tombent à la même vitesse s'ils sont dans le vide, mais il ne sait pas faire le vide. Alors comment est-il arrivé à ce résultat? Alors dans la première journée, il explique, et c'est une très, très belle expérience, on peut résumer en quelques mots, il étudie la chute de corps à l'intérieur d'un liquide, des liquides de poids spécifique différents. Il fait le rapport du poids spécifique du corps sur le poids spécifique du liquide. Si le poids spécifique du liquide est nul, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne sait plus construire le rapport et donc on passe à la limite. Et donc c'est en cela que le résultat de penser que tous les corps tombent de la même manière dans le vide ou quand il n'y a pas de résistance demande une action de la pensée et ne peut pas être déduit de la simple expérience. C'était la Bibliothèque des sciences de Michel Blais. C'est la fin de cette émission. Camille Contou, vous voulez dire un petit mot avant de pour conclure? Oui, vous avez pu voir que ces recherches sont toujours en train d'aller plus loin et d'évoluer. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que la précarité est grandissante dans la recherche et cela menace gravement l'évolution de nos travaux. Voilà, et on a déjà beaucoup et longuement parlé des questions de précarité dans le milieu de la recherche. On va vous renvoyer aux émissions que nous y avions consacrées, notamment l'année dernière, aux alentours de la Marche des sciences. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être venues nous parler de cette histoire géobiologique du Sahara. Merci Anne-Marie Lézine, merci Camille Contou. Un mot pour vous rappeler que si vous ne vous êtes pas encore inscrit au forum L'année vue par les savoirs samedi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est le moment de le faire ou jamais. Il ne reste plus que quelques rares places. Donc c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire sur maisondelaradio.fr. Je vous rappelle que le thème de nos discussions samedi, c'est les révolutions de l'intelligence. Emmanuel Laurentin, Adèle Von Rett, Maëlys Besseri et un dialogue de clôture de Cédric Villani avec Olivia Gesbert. Et pour notre part, de 15h30 à 16h30 samedi, nous parlerons de l'intelligence artificielle. Pourra-t-elle un jour gagner un prix Nobel ou au contraire est-elle déterminée à être bête comme un ordinateur? On en parle. Inscrivez-vous sur maisondelaradio.fr. On vous met tout de suite les liens sur le Twitter de l'émission At la méthode FC. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Sarah Igemans, Némina Guette, Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Morgane Danan à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant. C'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine, La Marche des banlieues, une série de Sébastien Descarrés, réalisée par Véronique Samouilov. Tout à l'heure, aux alentours de 18h20, après le journal de 18h, ce sera l'heure de retrouver le grain à moudre d'Hervé Gardette. Hervé Gardette qui demandera aujourd'hui à ses invités de quel droit hérite. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. On parlera entre autres de la Terre boule de neige, de la station spatiale chinoise qui va nous tomber sur le coin du nez et de la chirurgie robotisée. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.